Vous écoutez France Culture. Lettre du Japon. Chronique d'une traversée. De Rudyard Kipling. Quatrième épisode. Avec Laurent Stocker, Christian Gonon. Réalisation Catherine Lemire. Le 15 avril 1889, Kipling, né à Bombay, citoyen anglo-indien, écrivain déjà reconnu alors qu'il n'a que 24 ans, atteint les rives du Japon. Parti de Calcutta le 9 mars précédent, il quitte définitivement les Indes après y avoir effectué 7 ans d'une carrière journalistique intense pour rejoindre les États-Unis. Rédacteur en chef adjoint du Pioneer d'Allahabad, c'est pour ce journal qu'il rédige la chronique de son voyage sous forme de lettres et qu'il nous livre sa découverte tantôt amusée, tantôt fascinée du Japon. Après Nagasaki, Kobe et Kyoto, Kipling et son ami, dit le professeur, poursuivent leur périple et se rendent à Yokohama. Vous connaissez l'histoire de ce charretier qui, ayant emprunté un dictionnaire, déclara, en le rendant, que les récits, bien qu'intéressants en général, étaient trop variés. J'ai le même reproche à adresser au décor japonais. 12 heures de ce décor par train de Nagoya à Yokohama. Il y a environ 700 ans, le roi fit construire une route maritime qu'il appela Tokaido, ou plutôt toute la côte maritime fut appelée Tokaido, mais cela n'a pas d'importance. Laquelle route fonctionne encore? Plus tard, lorsque l'ingénieur anglais fit son apparition, il suivit de plus ou moins près l'idée du Grand Trunk, et il en résulta un chemin de fer devant lequel toute nation peut ôter son chapeau. Le dernier tronçon de la ligne directe de Kyoto à Yokohama était ouvert depuis 5 jours, lorsque le professeur et moi-même allâmes l'honorer d'une inspection non officielle. Nous avions laissé au pied des montagnes les cultures en petits paquets et nous courions le long des rives d'un grand lac, tout bleu d'acier d'un bout à l'autre, sauf aux endroits où il était semé d'îlots. Puis le lac se changea en un bras de mer, au travers duquel nous courûmes sur un môle de pierre de taille et l'orgie de pins cessa. Les arbres devaient descendre de grandes côtes qui les enveloppaient de leur humidité et luttaient tête basse, les bras étendus et les pieds plantés solidement contre les sables du Pacifique dont les lames rejaillissaient et soufflaient à moins de 500 mètres de la chaussée. Les Japonais connaissent tout en matière d'eaux et forêts. Ils fixent au moyen de pieux les torrents de sable voyageurs, ceux-là même qu'on autorise à ruiner nos récoltes dans le district de Hoshiarpur, et ils chevillent une dune de sable mouvant à l'aide de sauvageons de pins et de barrages faits de clés aussi habilement que s'ils clouaient des planches l'une à l'autre. Leurs agents des forêts furent-ils formés à Nancy, où sont des produits locaux? L'enchevêtrement de pieux employés pour maintenir le sable est d'imitation française, et la façon de planter les arbres en diagonale est française également. Quelques secondes après que le train eut quitté ce rivage aussi désolé que difficile à contenir, il parcourut 6 ou 7 kilomètres, de ce qu'on pouvait prendre pour les faubourgs de Patna, mais d'un Patna propre et transfiguré, couvert de plantations de bambous. Puis il atteignit un tunnel et s'élança dans une sorte de section du London Chatham and Dover, si tel est le nom du chemin de fer qui veut faire le tunnel sous la Manche. En tout cas, le remblai était sur le rivage et les vagues en lapaient le pied, tandis que du côté de la terre s'élevait un mur taillé dans le roc. Puis nous dérangeâmes de nombreux villages de pêcheurs dont les vérandas donnaient sur la voie et dont les filets s'étendaient presque sous nos roues. Le chemin de fer était encore chose nouvelle dans ce coin du monde, car des mères levaient leurs enfants dans leurs bras pour le leur montrer. Soudain, j'aperçus le Fujiyama. Au-delà d'un océan de champs et de bois en forme de rampe ascensionnelle. Il a près de 4000 mètres. Ce n'est pas beaucoup pour nous autres, gens de l'Inde. Mais 4000 mètres au-dessus de la mer, quand on se trouve au milieu de pics de 5000 mètres, n'est plus du tout la même chose que pareille élévation observée du niveau de la mer en pays relativement plat. L'œil au travail se hisse mètre par mètre le long du flanc lisse qui monte au cratère éteint et confesse, arrivé au sommet, qu'il n'a rien vu dans tout l'Himalaya de comparable au monstre. Je fus satisfait. Le Fujiyama était exactement tel qu'il m'était apparu sur les éventails et les boîtes de lac. Je n'eusse pas donné la vue que j'en avais pour la crête du Kinchinjunga rougissant au matin. Le Fujiyama est la note dominante du Japon. Quand vous comprenez l'un, vous êtes en passe d'apprendre quelque chose sur l'autre. Nous arrivâmes ensuite dans les montagnes de Hakone, par une sorte de décor irlandais, un vivier à truites écossais, une combe du Devonshire et une rivière indienne qui courait librement sur un kilomètre de cailloux. Ce n'était que le prélude d'une collection d'illustrations géologiques, y compris la transformation d'anciens lits de rivière en terrasses, la dénudation et une demi-douzaine d'autres choses en sion. Je suivis la rivière en passant par un village joujou, tout branlant, et par quelques bas-fonds raboteux, jusqu'au moment où je traversai un pont et me trouvai parmi des pierres couvertes de lichens, des broussailles et des fleurs de printemps. Un versant de collines, escarpé et boisé, comme les flancs du rouge Aravali, montait à ma gauche. À ma droite, l'œil voyageait du village aux moissons, des moissons aux cyprès, hauts comme des tours, et se reposait enfin sur le bleu froid d'un sommet austère, ceint de bandes de neige, non encore fondues. L'hôtel de Nico s'élevait au pied de cette montagne, et l'on était en mai. Alors, une femelle de passereau s'en vint par là, un brin d'herbe dans le bec, car elle était en train de construire son nid, et je sus ainsi que le printemps était arrivé à Nico. On a tellement tendance à oublier les changements de saison là-bas dans notre Inde. Assis en rang solennel sur les bords de la rivière, se trouvaient 50 ou 60 silhouettes aux jambes croisées, que l'œil exercé reconnaissait immédiatement comme autant de petits bouddhas. Elles avaient toutes, même maintenant que le lichen les avait enveloppées d'un manteau de lèpre, le port calme et le regard immobile du seigneur du monde. En vérité, ce n'étaient pas des bouddhas, mais autre chose. Les présents de grands hommes oubliés à des institutions mortes et enterrées, ou bien encore des monuments d'ancêtres. Le Bédécker vous le dira. Cela faisait une longue troupe de fantômes. Les examinant de plus près, je m'aperçus que chacun d'eux différait de l'autre. Beaucoup tenaient dans leurs bras joints une petite provision de cailloux de rivière, évidemment mis là par des gens pieux. Comme je m'enquérais, auprès d'un passant, de ce que signifiait ce cadeau, il me dit « Ceux-là, si honorés, sont les images du Dieu qui joue avec les petits enfants là-haut dans le ciel. Il leur raconte des histoires et leur bâtit des maisons de cailloux. Les pierres qu'on lui met dans les bras, c'est pour qu'il ne puisse pas oublier d'amuser les petits ou pour empêcher sa provision de baisser. Je ne sais si l'inconnu disait la vérité, mais je veux prendre ce conte pour parole d'évangile. Il n'était que les Japonais pour inventer le « Dieu qui joue avec les petits-enfants ». Après cela, les silhouettes se trouvèrent, à mes yeux, assumer une nouvelle forme et ne furent plus des sculptures gréco-bouddhiques, mais des amis personnels. J'ajoutai un gros tas de cailloux à la provision du plus gai d'entre eux. Son sein était orné de petites bandes sur lesquelles des prières étaient imprimées qui lui donnait l'apparence d'un vieux clergyman indigne avec son rabat en désarroi. Un peu plus haut, en remontant la berge, se trouvait un rocher grossier et solitaire, taillé en forme de ce que l'on me dit être un autel shintoïste. J'en savais davantage. La chose était hindoue, et je regardais de chaque côté les pierres lisses, en quête de la familière éclaboussure de peinture rouge. Sur un rocher plat qui surplombait l'eau, étaient gravés certains caractères en sanskrit, ressemblant de loin à ceux que l'on voit sur un moulin à prière tibétain. Ne comprenant rien à l'affaire et remerciant le ciel de n'avoir point apporté le Bédécker avec moi, je descendis en rampant au bord de la rivière, maintenant resserré en un torrent furieux. Connaissez-vous le Strid, près de Bolton? Cet endroit où la rivière en pleine force est enserrée dans une largeur de 2 mètres. Le Strid de Nico est un progrès sur celui du Yorkshire. Les rochers bleus sont creusés comme de la stéatite sous l'effort de l'eau. Ils se dressent plus haut que tête d'homme et, au printemps, sont touffus d'azalées en fleurs. L'adepte des petits dieux arriva derrière moi comme je me chauffais sur un bloc. Il désigna la petite gorge de rocher. Eh bien, si je peignais cela tel que c'est, tous les critiques des journaux diraient que je suis un menteur. Le courant insensé descendait directement d'une colline bleue éclaboussée de roses à travers une gorge bleu ciel également éclaboussée de roses. Un pin des plus inattendus montait la garde au-dessus de l'eau. Je donnerais beaucoup pour voir une exacte reproduction de ce spectacle. L'inconnu s'éloigna en grognant à propos de quelques griefs secrets, en relation peut-être avec le jury de peinture. Lancé sur ma piste par le professeur, le guide se mit à ma recherche sur les bords de la rivière et m'invita à venir voir des temples. Je maudis alors bellement et carrément tous les temples, me trouvant à mon aise, étendu sur du sable chaud, au creux d'un rocher, et aussi ignorant que le bétail ferré d'herbe qui piétinait la rive opposée. Quand je maudis les temples, je fis une chose absurde que cette pauvre plume ne saurait jamais convenablement réparer. Nous montâmes sur une colline par une rampe de dalles grises. Les cryptomérias de la route de Nikko étaient des enfants en comparaison des géants qui nous ombrageaient ici. Entre leurs troncs gris fer se voyaient des éclairs de rouge, le rouge sang du pont du Mikado. Ce grand roi, qui tua le mendiant au fameux guet, avait été fort content du succès de son expérience. Passant sous une arche de pierre immense, nous arrivâmes dans un carrefour merveilleux où résonnait un bruit de marteau. 30 ou 40 hommes tapaient sur les colonnes et les marches d'un temple de cornaline chargé d'or. « Cela, dit le guide d'un air impassible, c'est une boutique. On est en train de refaire la laque. On commence par l'enlever. » Vous est-il jamais arrivé d'enlever de la laque sur du bois? Je frappai le pied d'une colonne avec force et, au bout d'une demi-douzaine de coups, je parvins à détacher un minuscule fragment, lequel ressemblait à de la corne rouge. Sans trahir de surprise, je demandai le nom d'un temple encore plus magnifique qui s'élevait de l'autre côté de la cour. Il était laqué rouge comme les autres, mais au-dessus de la porte principale étaient sculptés à jour 3 singes. L'un les mains aux oreilles, un autre se couvrant la bouche et un troisième se voilant les yeux. Cet endroit, dit le guide, était l'écurie, quand le daimyo gardait ici ses chevaux. Les babouins sont les 3 qui n'entendent pas de mal, ne disent pas de mal et ne voient pas de mal. Bien entendu, repartis-je. Quelle splendide devise pour une écurie où les palefreniers volent le grain. J'étais furieux parce que je m'étais attardé devant une boutique et une écurie, quoique dans tout l'univers, on eût pu trouver leurs égales. Nous entrâmes dans un temple, ou un tombeau, je ne sais, par un vestibule de colonnes sculptées. 11 d'entre elles portaient un dessin courant de trèfle, la tête en bas. La 12e portait le même dessin, renversé. « Les faire toutes de même, pas bon, dit le guide énergiquement. Sûr, quelque chose mauvais arrivé. » En faire une différente, très bien. Ainsi, épargnez-lui. Rien arrivé, alors. Si je ne me trompe, cette volontaire interruption dans l'ordonnance générale était le seul sacrifice que le dessinateur eût fait aux dieux puissants d'en haut, lesquels sont si jaloux de l'habileté des hommes. Pour le reste, il avait fait ce qu'il avait voulu, tel un dieu avec le bois en son fourreau de lac étincelant, avec l'émail, l'incrustation, la sculpture et le bronze, le travail au marteau et le travail du ciseau inspiré. Lorsqu'il en vint à rendre ses comptes, il échappa à la jalousie de ses juges en désignant les colonnes de trèfle pour preuve qu'il n'était qu'un faible mortel et en aucun sens leur égal. On prétend que jamais homme n'a rien fourni de complet en dessin, détail ou description, représentant les temples de Nikko. Seul un Allemand pourrait essayer, et le sentiment y ferait défaut. Seul un Français pourrait en rendre le sentiment, mais il serait inexact. J'ai le souvenir d'avoir passé par une porte dont les gonds étaient de cloisonnés, le linteau d'or, les montants de lac rouge, les panneaux de lac d'écaille et les pentures un réseau de bronze. Elle ouvrait sur un hall à demi éclairé, au plafond bleu, duquel 100 dragons d'or batifolé et craché du feu. Un Un prêtre, les pieds silencieux, s'agita de côté et d'autre dans l'obscurité et me montra une lanterne pansue d'un mètre et demi de haut que les négociants hollandais du temps jadis avaient envoyée au temple en présent. Le chapiteau en était supporté par des montants de laque rouge poudrée d'or. Sur l'un d'eux se trouvait une épaisse couche de laque de 15 cm dans laquelle on avait sculpté ou découpé à l'emporte-pièce des dessins en haut relief et qui étaient devenus plus durs que du cristal. Les marches du temple étaient de laque noire et les cadres des paravents à coulisses de laque rouge. Que de l'argent, des monceaux et des monceaux d'argent eussent été prodigués sur la merveille, cela m'impressionnait peu. Ce que j'aurais voulu savoir, c'était quels hommes, lorsque les cryptomérias étaient encore de jeunes plants, s'étaient assis pour consacrer leur vie à une niche ou à une encoignure de temple et, en mourant, avaient passé le devoir d'ornementation à leur fils, quoique ni père ni enfant n'espérassent voir l'ouvrage achevé. Cette question, je la posai au guide, lequel m'engagea dans un labyrinthe de daimyo et de shogun, tous manifestement extraits d'un Baedeker. Au bout de quelque temps, l'idée de l'architecte m'entra dans l'âme. Il avait dit « Construisons des chapelles rouges sans dans une cathédrale. » De sorte qu'ils plantèrent la cathédrale il y a 300 ans, sachant que les troncs des arbres feraient les piliers et le ciel la voûte. Autour de chaque temple se trouvait une petite armée de lanternes de bronze ou de pierre sans prix, frappées, comme tout le reste, des trois feuilles qui formaient le blason du daimyo. Les lanternes étaient vert sombre ou toutes grises de lichen et en aucune façon n'éclairaient l'opacité du rouge. En bas, près du pont sacré, j'avais cru que le rouge était une couleur joyeuse. En haut du versant, sous les arbres et à l'ombre des larmiers du temple, je m'aperçus que c'était la couleur de l'affliction. Lorsque le grand roi tua le mendiant là-bas au guet, il ne se mit pas à rire, comme j'ai dit. Il se sentit fort affligé et prononça ces paroles. « L'art est l'art et digne de tout sacrifice. Emportez ce cadavre et priez pour l'âme nue. » Une seule fois, en l'une des cours du temple, la nature avait osé se rebeller contre le thème de la colline. Quelque arbre de la forêt, qu'impressionnaient fort peu les cryptomérias, avait secoué un torrent de fleurs du rose le plus tendre à la face d'un mur de soutènement gris qui gardait une tranchée. C'était comme si un enfant eût ri tout haut de quelque magnificence qu'il ne pouvait comprendre. C'était Lettre du Japon, chronique d'une traversée, de Rudyard Kipling. Traduction de Louis Fabulé et Arthur Austin Jackson. Extrait choisi par Catherine Crapoulet. Quatrième épisode. Avec Laurent Stocker, Christian Gonon. Prise de son, montage, mixage, Marie-Thérèse Ferrand et Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Catherine Lemire. Les lettres du Japon sont publiées aux éditions Elitis.